Il est important que tu prennes cet emploi pour deux raisons, dit Earl. Tu as vu la pancarte offre d'embauche ? Je l'ai vue et j'ai eu un vilain pressentiment. On demande homme ou femme, à plein temps ou à mi-journée, spécialiste ou débutant. Je savais que tu l'avais lu et que cela te rappellerait que j'avais travaillé dans un supermarché étant môme et nous voilà partis. Thank you. phone saw how you were spending your time. She knows you're up to something, man, 'cause she followed you last night. And now you're down in the basement, all dressed up in latex. One red light bulb hanging from the ceiling, and a light bulb standing on a small chair in the middle of the room. Now how you gonna explain that, man? Pourra peut-être obtenir un boulot à mi-temps. Il faudra que tu te débrouilles quand tu iras te présenter, mais n'oublie pas que le moment important, c'est entre 3h moins le quart et 3h. Il faudra que tu sois au travail pendant le quart d'heure qui précède la fermeture de la banque, et le mieux serait que tu aies droit à une pause ou un arrêt pour aller déjeuner à ce moment-là. Il faut que tu puisses te rendre à la banque juste avant qu'elle ferme. Tu pourrais entrer et demander de la monnaie au guichet à la dernière minute ou quelque chose dans ce goût-là. Yeah. C'est à ce moment-là que tu vas attaquer la banque, juste avant la fermeture ? Juste après, répondit Earl. Il faudra que tu ouvres l'œil pour apprendre des trucs dans le magasin. Par exemple, combien ils encaissent par jour ? Quelle est la plus grosse recette de la semaine ? Enfin, tout ce que tu pourras récolter. Si tu pouvais te faire engager à mi-temps, ce serait parfait, comme ça tu ne serais pas obligé de te tuer au boulot. Ils ont un gars qui aide chaque vendeuse, tu n'auras donc pas à porter des trucs lourds. Mais il faudra que tu sois là juste avant 3 heures. Pour toi, il s'agirait de terminer ton travail vers cette heure-là, ou de le commencer, mais l'important, c'est de faire exactement ton petit train-train comme les autres jours. là-bas pour t'aider ? Demanda Anita. Tu seras simplement une cliente de la banque. Tu te contenteras d'entrer au bon moment. En général, il boucle la porte à 3 heures et passé cette heure-là, il laisse sortir les gens mais refuse l'entrée à ceux qui se présentent. Je serai là et quand ils boucleront la porte, j'empoignerai tout le fric et filerai par la sortie de derrière. I'm not. Ça a l'air facile, dit Anita. Ça le sera quand nous aurons tout mis au point. Tu sais donc ce que tu dois chercher à apprendre pendant que tu bosses dans le supermarché et tu sais comment t'y prendre sans attirer l'attention sur toi. On est aujourd'hui lundi, n'est-ce pas ? Bon, avec un peu de chance, si tu commences demain ou après-demain, nous serons renseignés à temps pour agir au bon moment la semaine prochaine. Ça va être coton bébé, alors renseigne-toi le plus possible. Je vais louer cette chambre en ville et y habiter jusqu'à ce que ce soit terminé. We'll be right back. Dans le miroir, il vit l'anxiété assombrir les traits de sa femme, qui manifesta ensuite une simple surprise. « À Brazel, tu ne resteras pas du tout ici ?» Il secoua la tête. « C'est une partie essentielle de mon plan. Oh, il faudra que je revienne ici une ou deux fois pour savoir où tu en es. Probablement tard dans la nuit. Mais cette fois, on va avoir des alibis inattaquables. Comme ça, on ne sera pas obligé de cavaler et de se planquer par la suite. D'après mon plan actuel, tu partiras le lendemain du braquage. L'expérience t'a bouleversé, tu en as marre et tu retournes à New York. Je resterai dans ma chambre tout simplement. » Je devrais pouvoir trouver un meublé à Brazel à cette époque de l'année et j'aurai un alibi au point. J'attendrai encore une semaine, plus peut-être, pour être sûr que tout va bien. Je rentrerai alors à New York avec le pognon et on filera sur Minneapolis. We'll be right back. Et je serai toute seule pendant tout ce temps-là, demanda Anita. On a drôlement fait gaffe jusqu'à présent. Tom Pouce est la seule personne à savoir qu'on est ici et c'est le genre à la boucler. C'est la deuxième fois seulement aujourd'hui que quelqu'un dans le coin a pu nous voir ensemble ou te voir dans la voiture et il n'y a aucune raison pour qu'on ait fait particulièrement attention à nous les deux fois. Alors, dès que tu seras prête, tu vas descendre jusqu'au carrefour, tu en as pour 5 minutes à pied. Tu montes dans le car qui relie la ville au lac, tu descends au magasin, tu entres et tu demandes du travail. Come on, boys, let's hear it for love. Red, white, and blue. getötet. Ich brauche Psychopharmaka, überfüllte Mengen von Alkohol. Ich liebe meine denaturierte Synthetikwelt. Ich bin depressiv, labil, einsam und nervös. Meine Psychomechanik ist gestört, ist gestört. Aber. Es ist nur eine rein zufälliger individuelle Störung. Es ist nur eine rein zufälliger individuelle Störung. In mir getötet. Ich brauche Psychopharmaka, überfüllte Mengen von Alkohol. Ich liebe meine denaturierte Synthetikwelt. Ich bin depressiv, labil, einsam und nervös. Meine Psychomechanik ist gestört, ist gestört. Aber. Je leur dirais que j'ai loué cette villa pour 2 semaines avec l'espoir d'y rester tout l'été si je trouve un travail à mi-temps à proximité. Je pourrais leur demander s'il y aurait quelqu'un pour me ramener chez moi après le travail au cas où je terminerais après le départ du dernier quart. It's C'est ça. Moi, je vais attendre ici. Notre voiture sera planquée dans le garage. Une fois que tu auras obtenu l'emploi, je partirai en voiture pour Brazel et où je me trouverai une chambre qui, le moment venu, me servira pour mon alibi. Thank you. 12. My car's got a million holes. Knows what to do. We ain't even fucking seen each other for about 4 months, so we haven't even rehearsed, as you can probably tell. And we all come in separate limos. And we all came in separate limos, as he said, you know. Actually, they were bubble cars, but I couldn't fit in mine. This one is called... And I think it's quite appropriate, because I'm sweating like a fucking sumo wrestler as well as looking like one. This one's called I'm on Heat. Je serai un écrivain. Il y a des tas d'écrivains dont personne n'a jamais entendu parler. Je cherche un coin tranquille où je puisse travailler sans interruption pour finir un livre. Je te raconterai la suite quand j'aurai mis tous les détails au point. Il y a malheureusement un autre aspect du problème et qui ne me plaît guère, mais je ne vois pas d'autre solution. Il me faut un associé pour ce coup. J'ai également besoin d'une autre bagnole, il faudra donc que j'aille à New York pour trouver le gars en question et acheter une voiture bon marché qui fasse l'affaire, et deux ou trois autres trucs. Je veux m'occuper de tout ça avant de louer une chambre. Radio, no good news. Radio, no good news. Radio, no good news. Radio, there's no good news. Day's one, and every morning in my kitchen with a coffee in my hand, I switch on the power of the radio, and out of the blue, a world turning into hell. Radio, no good news. Radio, no good news. Radio, no good news. Radio. New big thing, religion turns into an evil joke. Water, air, earth polluted, people getting more and more. It seems that the end is coming near when I listen to my radio. Radio, no good news. Radio. kitchen, cause I can't move. I'm paralyzed by the radio news. I look at my coffee, I stare at the wall. I realize that I'm such a bore. Heavy day and heavy morning, I trapped into a same old shit. Sad news keep on going. I think I'm addicted to my radio. Radio, no good news. Radio, no good news. Radio, no good news. Radio, radio, radio. You gotta quit with the talking. points are safe, so long as you don't touch. But if you try to touch, you won't enjoy it much. So please stay safe and exercise some caution for once. If you have differences, we will correct them. And if you want to be unique, prepare to be rejected. Listen in class, and maybe you can join. Moving parts and articulated joints. Anita alluma une cigarette et attendit sans quitter Earl des yeux. Elle avait appris qu'il fallait le laisser raconter à sa façon sans poser un tas de questions. Il lui avait expliqué qu'il valait mieux, à son avis, ne pas lui révéler ses intentions avant que tout soit rigoureusement décidé dans son esprit. Ainsi, elle ne risquerait pas d'être embrouillée par les changements qu'il était susceptible d'apporter à son plan. Wait! Wait! guess. Wait. Wait. Wait. Muscle, don't you move. Jump up, disgust and quell me. Keep me above this filth. Fifty thousand assholes darting across the land. Wait! Just to quell me, keep me above this film. Jump up, disgust and quell me, keep me above this film. Keep me, keep me, keep me. Qui ne soit pas trop abruti, reprit-il, mais pas trop malin non plus. Quelqu'un d'assez intelligent pour suivre des instructions simples, mais qui ne se mêle pas d'avoir ses propres idées sur la question ou pense que ce coup n'est pas digne de lui. Cette fois, on va embarquer une somme respectable et ce ne sera pas le genre. Je saute sur le pognon et je me cavale. J'aurai un alibi, lui aussi, et une fois le coup terminé, nous agirons d'après le plan établi. We'll be right back.

Jennifer, if you could have been there, you would have seen it, and you would have been speechless in your own surprise. This healthy child doesn't need the cold actions shoved into her mind. And then you cut your fingers on the corners of the light, and it's Sunday, bloody Sunday, it's Sunday, bloody Sunday, Sunday, Sunday, Sunday. Et j'aurai un alibi, dit Anita, puisque je serai au travail juste à côté au supermarché. Tu auras un alibi inattaquable, dit Earl, parce que tu seras kidnappé. On t'embarquera comme otage. Les yeux d'Anita s'arrondirent de surprise. Mince alors. Et il va falloir que tu joues bien la comédie, dit Earl. Tu habiteras ici, dans cette villa pour l'été. Tu pourras donc aller au bord du lac. Comme c'est une petite ville, les gens ont vite fait de te connaître. Il va falloir que nous te trouvions des antécédents à New York et tout ce qui s'ensuit. Ça signifie... Basketball. smoking dope. Shorts, shorts.